Le vieux cœur par Léo Larguet. Dans son cabinet de travail aussi vaste qu'un hall, Raymond Huvaume, le vieil auteur dramatique, demeura seul avec le poète François Gentel. Des lampes voilées éclairaient doucement tout un bric-à-brac fastueux, des fauteuils d'altesse lombarde à dés d'or froid, des bahuts seigneuriaux, des pots jaunes de Talavera, des tables massives, des cadres sculptés, et sur la cheminée, dans laquelle achevaient de se consumer d'énormes bûches, s'illuminait par moments une grande statue d'un marbre que les siècles avaient agatisé et qui avait la transparence glauque des vieux albâtres. « Présent que tous nos confrères sont partis, causons un peu. Ne vous souciez point de l'heure. Je vous ferai reconduire avec ma voiture jusqu'à votre porte. Vous m'avez fait tantôt un compliment qui m'a touché jusqu'aux larmes. « Expliquez-vous. Pourquoi, vous qui demeurez pur et qui n'avez jamais rien préféré à votre art, pouvez-vous avoir la moindre estime pour un fabricant comme moi que le succès a comblé ?»« Je ne suis pas naïf, vous savez, ni bête. Si mes livres se sont vendus à 200 000 exemplaires, et si mes pièces ont été jouées 600 fois, je sais au fond de moi, dans ces endroits cachés de la conscience où rien ne triche, je sais que cela ne vaut pas grand-chose. Écoutez. » Quand j'avais votre âge, je rêvais d'un art hautain, hermétique et verrouillé, d'une vie tout entière vouée aux muses difficiles. J'estimais que le bonheur suprême était de posséder une rente de 10 francs par jour et une chambre où l'on pouvait écrire à loisir de beaux vers pour quelques-uns. Je suis né vers 1850, à l'époque où l'on était fort à son aise avec 300 francs par mois. Souvenez-vous de la phrase de Paul de Kock : Charles était riche. Il possédait 6 000 francs de rente, mangeait le soir un perdreau truffé et entretenait un rat de l'opéra. C'était rigoureusement vrai. Vous n'avez à présent aucune idée de cela, mais on déjeunait convenablement pour 30 sous au Palais Royal. Un œuf à la coque coûtait 10 centimes, un costume de bon drap 60 francs, et pour 10 louis, on pouvait s'offrir un corot authentique dans l'atelier de Corot. Le maître vous faisait même cadeau d'une petite étude par-dessus le marché. Paris était charmant et on pouvait y vivre. Les rues étaient assez larges pour les quelques fiacres qui les sillonnaient. On n'y avait pas encore lâché les monstres furieux de la mécanique. Et l'on croyait que l'humanité n'irait jamais plus vite que les calèches de M. de Morny et de la Païba. Je voulus une robe dans la chambre où je vivais heureux avec mes livres et mes papiers, et j'épousai une femme dont j'aurais dû faire seulement ma maîtresse. Je m'en aperçus le lendemain de mon mariage. Je fus très malheureux, et nous ne tardâmes pas à nous séparer. Je consentis à tout cela, et elle emporta la moitié de ce que je possédais. Comme il ne me restait presque plus rien, je fus obligé de me mettre au travail. Ayant encore quelques affaires à régler avec cette femme, je reçus d'elle une lettre insolente. Elle m'annonçait qu'elle se remarierait prochainement. L'argent qu'il m'avait pris lui avait servi à s'équiper pour cette nouvelle aventure. Elle se moquait de ma pauvreté, des vers que j'écrivais. Elle devait avoir sous peu son hôtel et son coupé. J'éprouvais alors un sentiment violent et puéril. Je voulais être riche, gagner de l'or au lieu de végéter en écrivant des vers après quelque obscure besogne. Une jalousie stupide et enfantine s'était emparée de moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une pièce que j'écrivis sans y croire, en me méprisant, obtint un succès prodigieux. Ce fut fini. Les divines, les pures muses délaissées s'étaient déjà vengées. Mais elles sont impitoyables, et leur ressentiment est tenace et terrible. Je dus suivre dès lors, sans m'en écarter, cette voie triomphale que vous pouvez imaginer bordée de palmes faciles à cueillir et de bustes de vaudevillistes et d'auteurs populaires. De loin en loin, j'apercevais, avec le désir de fuir et de m'y cacher, d'humbles ermitages, sous de noirs lauriers sacrés. Mais j'en eus peur de lire sur leurs portes, brillant comme un glaive archangélique, ce beau vers du père Banville. Ne fais pas un jouet de l'histoire des dieux. J'avais trahi. On m'avait largement payé. Il faut choisir. Et la maison de la poésie pure sera, je crois, toujours interdite à ceux que satisferont les applaudissements et les grosses recettes. Souvent, je me suis dit: tout cela qui m'enrichit n'existe pas. avant d'atteindre au dernier cyprès de la route. J'écrirai un beau livre pour moi seul. Je le publierai quand je serai très vieux, quand je comprendrai que tout est fini. J'ai répété cela chaque jour, mais de ce livre vengeur et pieux, je n'ai pas écrit une page. J'ai oublié de vous dire que la femme qui m'a jeté hors de la littérature que j'aimais est morte dans une misère lamentable et que je ne lui ai pas offert un verre d'eau. Voilà. Si mes yeux se sont remplis de larmes tout à l'heure, c'est parce que vous m'aviez parlé de certaines éclaircies dans le fatras de ma dernière pièce. Je suis flambé, mais j'avais un cœur comme un bœuf, et je l'ai écrasé sous des volumes, sous des accessoires de théâtre, sous des machines d'imprimerie. Il était de cristal sonore, il réfléchissait tout merveilleusement, mais je pourrais le tendre à présent. Les choses réelles ne s'y transfigureraient pas, et l'invisible ne prendrait dans ce miroir aucune forme. Excusez-moi, je vous ai retenu. Je vais vous faire reconduire. Venez donc me voir souvent pendant que je suis encore ici. C'était Le Vieux Cœur, par Léo Larguet.